Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et on commence en ce lundi 25 mars, jour de l'Annonciation, en souhaitant une bonne fête au Humbert. Ça vient du germanique signifiant esprit brillant. Humbert est un homme séduisant qui dégage une impression d'équilibre et d'harmonie. Son apparence faite de discrétion et de réserve n'est pas sans refléter un certain mystère, ce qui contribue à lui conférer un charme indéniable. Son expression verbale et ses aptitudes à la communication sont un peu freinées par une timidité qui le rend parfois mal à l'aise dans les rapports humains. Pourtant, Humbert est un homme sociable, agréable, sensible à la beauté et à l'art. C'est un être épris de perfection, ce qui le rend souvent exigeant, critique, parfois même maniaque. Sa sociabilité, elle aussi, est sélective. Il ne s'engage vraiment que lorsqu'il est en confiance et lorsqu'il juge que cela en vaut la peine. Il est de ceux qui pensent que mieux vaut être seul que mal accompagné, se réserve des périodes de tranquillité ou de solitude, véritable retrait stratégique loin du monde et de ses bruits. Consciemment ou inconsciemment, il cultive le secret, le mystère et préfère se taire qu'énoncer des banalités. Sensible aux attaques, nerveux, inquiet, il redoute le jugement des autres et a souvent besoin d'être soutenu ou guidé. Son rythme d'activité est inégal, fonction de la motivation du moment. Mais il sera capable de rattraper le temps qu'il aura consacré à l'hésitation ou à la réflexion. De plus, il est un homme sensible, même s'il ne sait pas toujours le montrer, souvent marqué d'une manière ou d'une autre par la famille. Avec le 6 karmique, il pourrait être tenté de fuir certaines responsabilités, familiales notamment, jugées trop pesantes ou au contraire être toujours trop concerné par celles-ci au point de se laisser envahir. Dicton du jour, s'il gèle à la Saint-Humbert, les prairies diminuent d'un quart. S'il gèle le 25 mars, pas de grain ni de vin. Ou s'il gèle le 25 mars, les prairies diminuent d'un quart. Ou encore, s'il gèle le 25 mars, il y aura disette de blé. Un dicton sur l'Annonciation. Le vent du jour de l'Annonciation est le vent dominant toute l'année. C'est un dicton de Savoie. Ou encore à l'Annonciation, les hirondelles annoncent la belle saison. À la Nativité qui est en septembre, elle nous quitte avec l'été. Célébration internationale. Aujourd'hui, journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique commémorée par l'ONU en souvenir de la loi britannique sur l'abolition de la traite atlantique en 1807. Journée mondiale de la procrastination, je vais y arriver, et en Grèce, fête nationale qui commémore le début de la guerre d'indépendance contre les Turcs en 1821. Dans les événements qui se sont déroulés un 25 mars 1896, ouverture des premiers Jeux Olympiques modernes à l'initiative du baron français Pierre de Coubertin. Les premiers JO ont été organisés à Athènes en mémoire de la tradition antique. 14 pays y étaient représentés pour un total de 285 athlètes. En 1984, Alain Prost gagnait le Grand Prix de Formule 1 du Brésil. En 1990, toujours Alain Prost, eh bien il remportait son 40e Grand Prix de Formule 1, c'était encore au Brésil. 1991, le film Danse avec les loups de l'acteur-réalisateur Kevin Costner récoltait 7 Oscars lors de la 63e remise des prix de l'Académie du cinéma. Et en 1996, Braveheart, épopée historique à gros budget mettant en vedette et réalisée par Mel Gibson, récoltait 5 statuettes lors de la remise des Oscars. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Elton John et j'ai choisi le titre I Still Staying. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the made were meant to cut me down. And if I love circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Elton John sur RGM, il est 8h37, passé de quelques secondes. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 25 mars 1943. Naissance de Paul Michael Glaser, acteur américain connu pour avoir interprété le rôle de Starsky. C'était le brun dans la série Starsky et Hutch, vu également dans les séries New York 911, Esprit Criminel, Numbers ou encore Mentaliste. 1947, naissance d'Elton John, chanteur pianiste britannique. 1948, naissance de Bonnie Bedelia, actrice américaine connue pour avoir interprété Holly Gennaro, l'épouse de John McClane dans les films Piège de Cristal et 58 minutes pour vivre, les deux premiers épisodes de la série de films Die Hard. 1951, naissance de Maisie Williams, chanteuse britannique du groupe Boney M. 1958, naissance de Bernard de la Villardière, journaliste français. 1960, naissance de Brenda Strong, actrice américaine connue pour son rôle de Mary Alice Young dans la série télé Desperate Housewives, vu également dans Scandal, Chicago Police Department, Supergirl dans le rôle de Lillian Luthor ou encore 13 Reasons Why dans le rôle de Nora Walker. 1962, naissance de Marcia Cross, actrice américaine, vue dans la série télé Côte Ouest, Melrose Place dans le rôle de Kimberly Shaw, Everwood, Desperate Housewives dans le rôle de Brie Van de Kamp, Quantico dans le rôle de la présidente Claire Haas. 1965, naissance de Sarah Jessica Parker, actrice américaine, vue au cinéma dans Footloose, dans le rôle de Rusty, Mars Attacks, mais surtout connue pour son rôle de Carrie Bradshaw dans la série télé Sex and the City, ainsi que dans les deux films qui ont suivi. 1979, naissance de Lee Pace, acteur américain, vu dans Twilight, chapitre 4, Révélation, dans le rôle de Garrett, un nomade américain, vu dans Le Hobbit, un voyage inattendu, Le Hobbit, la désolation de Smaug, et Le Hobbit, la bataille des cinq armées, dans le rôle de Thranduil, Lincoln, Les Gardiens de la Galaxie dans le rôle de Ronan l'accusateur, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Captain Marvel. 1989, naissance d'Alison Michalka, actrice américaine, vue dans la série télé Fil du futur, dans le rôle de Kelly Teslo, Les Experts Manhattan ou encore Mon Oncle Charlie dans le rôle de Brooke. Et en 2008, on apprenait le décès de Thierry Gilardi, journaliste sportif français. Allez, on écoute tout de suite Boney M avec leur titre Rasputin. and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Avec le titre Rasputin sur le 107FM. Il est presque 8h45, on parle météo. La météo. Alors, pour l'instant, il fait beau, mais malheureusement, ça ne va pas durer puisque la pluie devrait venir nous enquiquiner cet après-midi. Des températures comprises entre 1 et 3 degrés ce matin, entre 7 et 9 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, soleil et nuages, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés l'après-midi. Mercredi, soleil et nuages également, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on a beaucoup de choses à dire en ce lundi matin. On commence tout de suite avec du football et on va parler de l'équipe de France qui a remporté son match vendredi en Moldavie sur le score de 4-1 avec des buts signés Griezmann, Varane, Mbappé ou encore Olivier Giroud qui a d'ailleurs inscrit son 34e but en équipe de France. Il égale ainsi David Trezeguet. Olivier Giroud toujours critiqué mais il répond toujours présent face aux critiques et en équipe de France. Voilà, il est donc à égalité sur le podium avec David Trezeguet. Prochain objectif, hein, Michel Platini hein, qui est qu'à 7 buts, pourquoi pas, c'est atteignable. Ce soir, c'est France-Islande avec des forfaits, celui de Digne et de Kingsley Coman. Et dans la composition probable de cette équipe de France, eh bien, on devrait repartir avec le même 11 que contre la Moldavie avec Yoris, Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa, Kant, Pogba, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Olivier Giroud. Le seul incertitude concerne Samuel Umtiti qui pourrait être laissé au repos et remplacé par Kipembe. On verra ça ce soir. En National 2, Épinal s'est imposé 1-0 à Croix. En National 3, Rennes l'étape a fait match nul 2 buts partout face à Sarreguemines et Thaon-les-Vosges a fait match nul 2 partout face à l'équipe 2 de Troyes. En basket, en Pro B, défaite de Nancy à Roanne 80-74. En National 1, Plédan, le Jet Vosges s'est imposé 90-59 face à Centre Fédéral. En National 3, Mirecourt s'est imposé à Marne-la-Vallée 62-67. Un mot de cyclisme avec le Milan-San Remo et la victoire de Julien Alaphilippe. Un mot de tennis avec le tournoi de Miami et côté féminin, à noter les éliminations de Pauline Parmentier ou encore Alizé Cornet, ainsi que de Osaka Kerber ou encore Stevens. Aujourd'hui, Garcia affrontera Kvitova, il y aura également Wozniacki ou encore Alep. Côté messieurs, à noter l'élimination de Luca Pouille, d'Adrian Manarino, de Jérémy Chardy ou encore d'Alexander Zverev ou encore Marin Cilic. Aujourd'hui, à noter le match de Federer opposé à Krajinovic. Un mot de biathlon avec donc la dernière étape à Oslo. Le sprint messieurs a vu la victoire de Johannes Bø devant Lucas Hofer et devant Quentin Fillon-Maillet. 7e place pour Simon Détieu, 19e place pour Émilien Jacquelin, 20e place pour Antonin Guigona, 21e place pour Fabien Claude, 56e place pour Aristide Beg, 65e place pour Simon Fourcade. La poursuite dames a vu la victoire de Kuzmina avec son premier 20 sur 20. Elle qui vivait ses dernières courses en carrière hein, à Oslo, eh bien voilà, elle a enfin réussi le 20 sur 20. C'était sur la poursuite. Elle s'impose devant Herman ou encore Anna Heuberg. Célia Aymonier s'est classée 10e. Anaïs Bescon a réussi une belle remontée. Hein, partie 58e, elle est arrivée 25e. 38e place pour Caroline Colombo. 45e place pour Chloé Chevalier. Un mot avec la poursuite messieurs qui a vu la victoire de Johannes Bø devant son frère Tarier et devant l'allemand Arne Pfeffer. Simon Détieu s'est classé 8e, 12e place pour Quentin Fillon-Maillet, 14e place pour Antonin Guigona, 25e place pour Fabien Claude, 26e place pour Émilien Jacquelin et 45e place pour Aristide Beg. La Mastart Dame a vu la victoire d'Anna Heuberg devant Thierry Lecoff ou encore Claire Egan qui a connu ainsi son premier podium. 7e place pour Julia Simon, 17e place pour Anaïs Bescon, 22e place pour Célia Aymonier. A noter la chute dans le premier tour de Justine Brezaz qui a malheureusement donc dû abandonner. La Mastart messieurs a vu la victoire de Johannes Bø, 16e victoire pour le Norvégien cette saison, un record. Il s'est imposé devant Arne Pfeffer et Benedikt Doll. 7e place pour Simon Détieu, 12e place pour Fabien Claude, meilleure performance en carrière. 23e place pour Quentin Fillon-Maillet, 25e place pour Émilien Jacquelin et 29e place pour Antonin Guigona. Alors, on savait qu'Anastasia Kuzmina donc arrêterait à la fin de ce week-end à Oslo, mais côté français, on avait une incertitude concernant Simon Fourcade, hein, le frère aîné de Martin Fourcade. Eh bien, ça y est, c'est officiel, il arrête sa carrière après plus de 15 ans passés hein, sur les pistes de biathlon. Eh bien, voilà, beaucoup d'émotions samedi quand ça a été annoncé et on a pu encore avoir de l'émotion hier, notamment au micro de la chaîne L'Équipe où il est intervenu. Donc voilà, la retraite de Simon Fourcade. On va faire un point sur le classement de nos Français puisque donc le gros globe a été remporté par Johannes Bø, hein, ça on le savait. Deuxième place pour Alexander Loginov. Malheureusement, nos Français n'ont pas réussi à déloger le Russe de cette deuxième place. Quentin Fillon-Maillet termine donc troisième. Simon Détieu, quatrième. Ensuite, il faut aller à la 11e place pour retrouver Antonin Guigona hein, qui a perdu quelques places suite à sa mauvaise performance sur la Mastart. Martin Fourcade termine à la 12e place. Voilà pour les 4 premiers Français. 24e place pour Émilien Jacquelin. Et si on prend les résultats des derniers vainqueurs du général de la Coupe du Monde, eh bien Martin Fourcade est en sandwich entre les deux frères Bø, puisqu'en 2011, c'était Tarier Bø qui s'était imposé. Entre 2012 et 2018, c'est Martin Fourcade hein, qui a été leader de cette Coupe du Monde de biathlon. Et cette année, c'est Johannes Bø. Et dans les globes de Cristal, je vais y arriver, voilà. Donc, côté messieurs, le général a été remporté par Johannes Bø, par la Coupe des Nations, par la Norvège. Et Johannes Bø, c'est pas compliqué, il a raflé tous les petits globes, l'individuel, le sprint, la poursuite et la Mastart que Quentin aurait pu remporter. Eh bien, sont norvégiens, tout comme le globe du relais et du relais mixte. Et oui, il y a de la Norvège partout. Et côté féminin, c'est Dorothea Wierer qui remporte le classement général de la Coupe du Monde, la Coupe des Nations est remportée par la Norvège, le globe de cristal de l'individuel par Lisa Vitozzi, celui du sprint par la Slovaque, Anastasia Kuzmina, la poursuite petit globe remporté par Dorothea Wierer, le petit globe de la Mastart remporté par la Suédoise Anna Heuberg, petit globe du relais remporté par la Norvège. Voilà pour le biathlon et on termine avec du hockey sur glace. Tout d'abord les playoffs de la Ligue Magnus où Rouen s'est qualifié pour la finale en s'imposant 5-3 dans le match 5 face à Gap. Et du côté de chez nous, en Détroit, Épinal s'est imposé 10-5 dans son match retour face à Reims. Match très serré et très nerveux. Et on écoute tout de suite l'interview de Kevin Benchaban. Bah Kevin, quel match, de la nervosité des deux côtés. Le match nul à l'aller a vraiment pesé dans la balance. Vous avez mené très vite au score, mais après ça s'est un petit peu compliqué. Ouais, on savait que c'était un match compliqué, on a fait un là-bas. Et les deux semaines, on va dire, entre les deux matchs, ça nous a pas aidé. C'est sûr qu'on était tous un peu en tension, on avait hâte d'en découdre. On commence bien, c'est sûr, on commence bien le match, bon, c'était l'objectif qu'on voulait se fixer. Après, il ne faut pas oublier que c'était une bonne équipe. Si on a fait un là-bas, c'est qu'ils ont une bonne équipe. Ils sont bien revenus et après, on a su que c'était un match compliqué, mais on n'a pas lâché. Et ils ont vraiment joué avec bonheur jusqu'à la fin, quoi. À chercher la petite noise pour faire vriller, vriller les joueurs d'Épinal. Et certains, malheureusement, sont rentrés dans leur jeu, d'autres ont réussi à garder leur calme. Oui, c'est sûr. Moi le premier, hein, c'est toujours un jeu hein, en fait, où on cherche sur les paroles, sur les attitudes. Quand c'est des matchs compliqués avec de bonnes équipes, c'est le jeu, c'est le hockey. On essaie de se chercher pour essayer de déstabiliser mentalement. Et pour les envoyer en prison, bon là ça est tombé un peu contre nous. On verra ce que ça donne sur Rappen. Mais on verra, après on est confiant pour la suite. On a comme un gros groupe, on a réussi à gagner sans un de nos meilleurs joueurs. Puis, de toute façon, c'est l'équipe qui compte. Justement, tu parles de la sanction de Rappen qui a été vite rentrée au vestiaire, hein, malheureusement, dans le premier tiers. Quelle incidence ça a eu? Parce qu'on le rappelle, hein, Rappen, c'est le top scorer de l'équipe d'Épinal. Même si à Épinal, tout le monde peut clairement marquer. On a vu Martin Charpentier, par exemple, qui est défenseur, à ce qu'il y ait un but ce soir. Mais l'absence d'Anthony, quelle incidence ça a eu? Bah, on a eu le cas à Nice, là-bas. Anthony s'est fait aussi exclure en début de période. Et donc on savait à quoi s'attendre. On a eu l'erreur à Nice d'avoir un peu peur parce qu'il n'y avait pas Rappen. Maintenant ici on n'a pas eu peur, on sait qu'il n'y a pas Rappen. Moi je sais que ça me fait chier parce que je joue sur ma ligne avec Chassa. Et un joueur comme ça au moins sur ma ligne, mais bon avec Chassa a pris la relève et tout le monde a monté un peu son niveau pour combler l'absence de Rappen. Et le 7e homme ce soir était bien là dans une patinoire encore pleine à craquer. Toi qui as connu les belles heures en Ligue Magnus, je pense que ça t'a rappelé de bons souvenirs. Ah ouais, c'était incroyable. Aujourd'hui, on savait en plus qu'il y avait beaucoup de monde qui allait venir aujourd'hui. Et ouais, honnêtement, je pensais que c'était encore un match à l'époque en Magnus où c'était encore l'épreuve de Magnus. Et c'est incroyable, les frissons partout, le public content. On va continuer encore pour les voir encore plus souvent jusqu'au bout. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Va falloir vite se remobiliser justement pour ce quart de finale qui va vite arriver, mine de rien. Ouais, on ne sait pas encore si on joue la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ouais. On sera sûrement dans la soirée ou demain. Alors, en plus, on sait que c'est un grand déplacement, ce soit à Caen ou Poitiers déjà, donc ça fait de la route. Mais bon, là, voilà, on va un peu relax ce soir entre notre équipe. Et puis, on reprend un attaque d'entraînement dès lundi. Voilà pour l'interview de Kevin Benjamin après cette rencontre face à Reims. Et on connaît l'adversaire du club d'Épinal pour ce quart de finale. Ce sera à Poitiers. Reste à déterminer si ce sera ce week-end, hein, le 30 mars ou alors le premier week-end d'avril. Le match retour devrait se dérouler le week-end du 13 avril à Épinal. Mais bien sûr, faudra attendre la confirmation. Et pour terminer cette page sport, on va parler de patinage artistique avec le 4e titre de champion du monde pour Gabriela Papadakis. C'est Guillaume Cizeron en danse. Décidément, on ne les arrête plus. Allez, on marque tout de suite une dernière pause musicale avec Corneille qui fêtait son anniversaire hier et son dernier titre, Tout le monde. Je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. Le problème c'est les autres. Et pendant que ma sagesse résonne, un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone je raconte le monde. Yeah. Mes amis, oh, face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos voeux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne. Je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie du vide. Pour ne pas disparaître, j'ai fait merci ou je t'enlève de ma liste. Je peux t'aimer sans condition, je te reconnais que j'existe. Mes amis, oh, mes amis, oh, face au dilemme, face au dilemme de mon ego, de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On est sur ton état et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos voeux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne. On a tous un père qui n'est pas vraiment là, ou encore une mère qui ne nous comprend pas. On a tous eu un amour qui n'est pas tellement ça. Oh, on s'est tous levés un jour, tout l'espoir en bas. On est tous à genoux sous les mêmes rois. On cherche le même Dieu qu'on ne trouve pas. Qui suis-je pour juger? On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos voeux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi? Qui est comme moi? Personne. Corneille, tout le monde sur RGM. Il est presque 9h. On fait un point rapide sur ce qui vous attend. Dans quelques secondes, ce sera la rediffusion de Clip Clap. On tourne. 11h, la Christoire du cinéma. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 17h30, la rediffusion de la Christoire du cinéma. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.